kenzine nous vont de retour. Tony Adam T. Écoute les Atalakou à l'ivoirienne. Dans un niveau, je suis le seul qui l'ai fait à Abidjan. Numéro 1, on va propulser ça loin devant. Francky Sibaï, le plus sexy. Roja, c'est un garçon trop avant Abidjan. Constant Show Bizarre. Miku Miguel Kono, petit baoulé, ivoirien de nationalité. Il est trop hier et Miku. Moloukai, Molo Molo, ça va aller. Dodo Gaspo, Mixon Musica, la musique qui provient du ciel. Patino, patino, l'homme il a les patins dans les pieds, toujours en train de patiner. Patino, Batiame, soulevez ta main, c'est puissant. Astiopa, c'est un vieux père, toujours compétent. Astiop, écoute les Atalakou à l'ivoirienne. Dans un humanité, je suis le seul qui le fait à Abidjan. Numéro 1, on va propulser ça loin devant. Astiop, tu es dans l'ambiance. Attention à Zenabou, avec les grands yeux comme ça, elle est trop dangereuse. Tous les Alain Foka, il se focalise. Tozong Emmanuel, il est assis dans la place, il regarde le mouvement. C'est un homme qui aime la pro dada, mais il parle pas trop, il agit. Alain Foka agit, alors donne pour moi aussi, donne pour moi aussi. Je vais aussi manger. Jocelyne, la plus belle. Qu'on le veuille ou pas, c'est toi la plus jolie ce soir. Donne pour moi aussi, donne pour moi aussi. Je vais aussi manger. Je sais. Oyobina Shela et Loulou Palala va manger. Donne pour moi aussi, donne pour moi aussi. Je vais aussi manger. L'affaire est grave, Shela, ça va. Ahmed Chalamato Gounar, Lama et Sherifat. Da da da da. Le baron est Renaud, Sam Doket, Mustapha El Alaoui. Les Gouners. Tous les Tantez Viviane, prépare-moi quelque chose. J'arrive à midi pour manger. Donne pour moi aussi. C'est toi la tante chérie. Viviane, donne pour moi aussi. Atalakoua nyere nyere. Atalakoua l'ivoirienne. Ambiance et lingala. Soit Amant, c'est pas Amant, attends, attends, t'es gâté les coins. Tous les mondes, t'es gâté les coins. Néné Rock, gâté les coins. Mad Asmus, gâté les coins. Iba, c'est gâté les coins. Steve Tikwa, gâté les coins. Arrangeur là, c'est gâté puis tu arranges. Soit, soulevez ta main là-bas. Madame Mike, petit mouton international, va checker. Attention, mesdames et messieurs, ceci est en prélude de la bombe qui va faire mal mondialement parlant.